Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, Maurice Pialat, cinéaste de la vérité des sentiments. Oui, je sais pas si on s'amuse vraiment en tournant des films avec Pialat, parce que c'est quand même une personnalité assez fascinante, mais pas facile. Mais en tous les cas, oui, on se sent vraiment exister, on se sent aller au bout vraiment de son plaisir et de ses possibilités d'acteur. Et d'ailleurs, toujours avec le pessimisme qu'il... si je puis dire plus ironiquement, l'optimisme qu'il caractérise, il dit toujours que les meilleurs films, on les verra jamais parce que c'est ceux qui existent avant Moteur et après Coupé, justement. La comédienne Isabelle Huppert, en entrevue à l'émission Scully Rencontre, le 28 février 1999, qui parle de sa relation professionnelle complexe avec Maurice Pialat, un réalisateur à part dans l'histoire du cinéma français, inclassable, rebelle, qui a fait un cinéma très personnel, toujours en quête d'authenticité, de vérité. Pialat, qui est né en 1925 et mort en 2003, laisse une œuvre de 10 films seulement, hein, qui demeure encore aujourd'hui étonnamment actuel et pertinent. Et c'est d'ailleurs ce que soulignait Sylvie Pialat, la veuve du cinéaste, le 22 octobre 2015, à l'émission L'Heure de Pointe. Il s'est toujours intéressé à l'être humain et souvent aux êtres humains, disons, aux petites gens, comme il disait lui-même. C'est-à-dire ces gens dont on ne parle pas forcément souvent, mais qui sont tout le monde. Et je pense qu'il avait quelque chose en lui qui fait qu'il les comprenait et qu'il avait envie d'en parler, puisqu'effectivement, ce ne sont pas en général les héros de cinéma. Et c'est ça aussi qui fait que je pense aujourd'hui son œuvre traverse le temps sans problème, puisqu'il... Il nous fait comprendre que nous sommes tous intéressants, en fait. Alors que souvent, on pense qu'on est seul au monde et qu'on n'intéresse personne. Et ça, je pense que le cinéma de Maurice touche énormément, notamment les jeunes, qui se disent qu'ils existent puisque quelqu'un parle d'eux. Pour nous parler maintenant de l'œuvre particulière de Maurice Pialat, ce cinéaste souvent mal aimé, hein, il faut le dire, eh bien, je reçois Hélène Faradji, qui est critique de cinéma et qui est aussi l'auteur de l'essai « Réinventer le film noir », le cinéma des frères Coen et de Quentin Tarantino. Bonjour Hélène. Bonjour. Un mot d'abord peut-être sur le personnage. Mm-hmm. Je pense que c'est incontournable de Maurice Pialat, qui est un personnage énorme, imposant, assez abrasif. Très abrasif, effectivement. Et ses relations, autant avec la presse que le monde du cinéma, ont été extrêmement conflictuelles. Et ça a toujours été dans la rébellion, les coups de gueule, les coups de griffe. Ça ne s'est jamais passé dans la tendresse et la douceur. Et effectivement, ça a construit l'image d'un homme assez abrasif, qu'on pouvait difficilement approcher. Quand on lit un petit peu sur lui, les journalistes racontent des rencontres homérique avec lui, où il partait dans des colères terribles, il s'emportait contre le cinéma des autres, contre les journalistes, contre absolument tout. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, dans ses films, était capable d'une tendresse, d'une humanité bouleversante, d'une profondeur comme peu d'autres ont réussi à l'atteindre. Ouais, ça résume bien le personnage. Et on ne peut pas dire que c'était une vocation pour lui que le cinéma. Non, pas du tout. En fait, au départ, Maurice Pialat veut être peintre. C'est vraiment ce qu'il voulait faire au départ. Il a étudié aux Arts Déco assez longtemps. Il a même exposé un petit peu en tout début de carrière. Et puis, ben, comme beaucoup d'autres, la carrière de peintre n'a pas très, très bien marché. Donc, il a fait toutes sortes de petits boulots. Il a été assistant, metteur en scène, au théâtre. Il s'est acheté une caméra un petit peu par hasard. Donc, il est arrivé au cinéma par hasard avec toujours cette idée que la peinture était supérieure au cinéma. Donc, pour lui, le cinéma, c'était quelque chose qui ne pouvait peut-être pas retransmettre autant la vérité que la peinture. Et puis, finalement... on sait que sa carrière s'est achevée sur Van Gogh, qui est peut-être la déclaration d'amour la plus belle qui pouvait être faite à la peinture. Donc il a réussi à rejoindre les deux vers la fin. Mais effectivement, cette frustration-là, ouais, je pense, a beaucoup nourri son œuvre. Donc une carrière tardive mais fructueuse. Il a commencé à tourner à 43 ans, hein, sérieusement. Alors comment décrire son style ? Son style est assez particulier parce qu'on ne peut pas vraiment le rapprocher d'autres cinéastes qui soient en exercice aujourd'hui ou qui l'ont été. C'est un cinéma d'abord... presque documentaire, j'ai envie de dire. Il y a un rapport au réel qui est extrêmement particulier. Très, très peu d'artifices, beaucoup de plans-séquences. On privilégiait des décors naturels, pas de maquillage ou presque. Des acteurs soit confirmés, soit beaucoup de débutants ou de non-professionnels. Donc un rapport au réel comme ça exacerbé, vraiment l'idée de capter quelque chose de la vraie vie à travers les films. Donc un rapport très, très particulier au vrai. Et puis une dimension autobiographique qui nourrit tous ces films. Dès le début, Nous ne vieillirons pas ensemble, voilà. C'est l'histoire de sa séparation à lui. Il va parler de sa paternité tardive dans Le Garçu, l'infidélité dans le couple, la famille, la mère aussi, qui va être un personnage dans ces films, qui va être inspiré par sa propre mère aussi. Alors, vous avez mentionné Nous ne vieillirons pas ensemble, de 1972, avec Jean-Yann et Marlène Jobert, justement un film éminemment autobiographique. Et on peut écouter, si vous le voulez bien, Hélène, un extrait d'un moment très lourd où Jean-Yann, dans sa voiture, dit ses quatre vérités à une Marlène Jobert assez stoïque. T'as jamais rien réussi et tu réussiras jamais rien. C'est tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que t'es vulgaire. Irrémédiablement vulgaire. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Toute ta vie, tu resteras une fille de concierge. Tu peux me regarder comme ça ? Ça ne change rien. Je pense que depuis que je la connais, j'ai rencontré des filles formidables. J'aurais mieux fait de rester avec elles. Je me demande vraiment pourquoi je suis avec toi. Je reste par pitié, voilà. Par pitié, je reste. Tu t'accroches à moi depuis 6 ans. T'as aucune volonté, t'as aucun courage. Ton seul orgueil, c'est ça, c'est ta médiocrité. Alors, je suis en train de gâcher ma vie avec toi. De gâcher ma vie, parfaitement. Tu sens pas que j'en ai assez de toi. Tu le sens pas, ça, hein? Tu sens pas que ça fait trop longtemps que ça dure. Tu sens pas que j'ai envie d'une seule chose, c'est que tu te barres? Alors fais-moi plaisir, barre-toi. Barre-toi, barre-toi en Angleterre au moins, ça t'apprendra peut-être quelque chose. J'en ai vraiment plus rien à foutre de pas te voir, hein. Ouais, c'est assez terrible. Nous vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat, qui en fait est incarné ici par Jean-Yann. Par Jean-Yann, c'est son propre personnage, Maurice Pialat, qui avait été en couple avec Marlène Jobert. Alors quand on dit c'est sa vie, c'est tout à fait ça. C'est sa vie, mais jamais de façon complaisante. Au contraire, on est dans la rudesse, dans la cruauté. L'odieux. Dans l'odieux, exactement. Il n'est pas là pour se mettre en valeur du tout. Ouais. Alors ce succès, il a été confirmé, mais il allait être quand même de courte durée. Oui, effectivement, parce qu'après ça, il fait donc Nous ne vieillirons pas ensemble, qui connaît un grand succès public. Il fait La gueule ouverte, qui est un film très dur, sur l'agonie d'une femme malade qui est sa mère. En fait, il est en train de parler de la maladie de sa mère. Et ce film-là est un désastre. Sa société de production qu'il a fondée au début de sa carrière va faire faillite. Et pendant 4 ans, il va se retrouver sans tourner, aucune image. Le succès va revenir, mais ça va quand même marquer cette personnalité assez particulière de Pialat, qui est toujours comme ça en combat contre le monde du cinéma. Ouais. Le succès revient avec Loulou. Avec Loulou, en 1980, un film culte maintenant, avec Depardieu, qui allait être son acteur fétiche. Absolument. Depardieu et Pialat arrivent à nouer une relation très, très particulière, qui là aussi sera faite de beaucoup d'engueulades, de beaucoup de cris et de tumultes, mais qui durera, contrairement à par exemple sa relation avec Jean-Yann, qui elle va être assez catastrophique. Je pense que dans la façon de jouer de Depardieu, il y a quelque chose de très parallèle à la façon de fonctionner de Pialat, c'est-à-dire une rudesse, quelque chose d'instinctif, physique, et en même temps, qui, sous ce côté un peu bourru, un peu dur, révèle une grande tendresse, une grande humanité, une douceur assez paradoxale. Et ça sera suivi, ça, Hélène, d'un autre succès en 83, À nos amours, un film qui allait lancer carrément la carrière de Sandrine Bonnaire, et d'ailleurs, dont on peut écouter, si vous le voulez bien, un extrait commenté par Sandrine Bonnaire à l'émission Les Belles Heures. C'était en mars 1984. Et dans ce film, c'est Maurice Pialat lui-même, en fait, qui joue le rôle du père qu'on va entendre. Ça sort si tu rentres. J'avais dit minuit. Il est 1 heure. Oh, c'est pas grave. Qui c'est, ce garçon? Quel garçon? Écoute, tu me prends pour un idiot. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard comment? Bernard Trévis. Et mon jeu, on peut pas très bien juger par soi-même, mais par moments, je me trouve vraiment bête, vraiment. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal comme film. Mais Maurice Pialat m'a dit « joue comme tu le sens ». Et ça m'a beaucoup aidée, et je crois que c'est pour ça que je suis restée naturelle. Je suis vraiment très pudique, et j'ai eu des problèmes. De plus, on a commencé ces scènes-là au début du tournage. Et j'étais vraiment coincée, et Maurice m'a beaucoup aidée. Il m'a dit « bon, écoute, si vraiment tu veux pas faire les scènes de nu, on les fait pas ». Et moi, j'ai trouvé ça ridicule. Dans la vie, on se met bien tout nu. Et j'ai voulu le faire au cinéma. J'ai eu des problèmes, mais d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de progrès. Tu comptes l'épouser? Tu me vois mariée? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec lui? Bah quoi, je sors avec lui, c'est tout. Pas parce que tu sors avec un mec. Obligé de l'épouser, hein. Alors, Sandrine Bonnaire, absolument formidable, hein, dans son premier film. Elle avait 16 ans. Ouais, ouais, 16 ans, ouais, c'est incroyable. Toute jeune femme. Un film qui est demeuré marquant. Hein, pour beaucoup, c'est le chef-d'œuvre de Piala. Et je pense qu'effectivement, ça doit être, si ce n'est son plus grand, parmi les deux ou trois plus grands films de Piala, parce qu'il arrive justement à doser avec un équilibre assez fascinant cette âpreté de la vie, les relations entre cette jeune fille de 16 ans, sa mère, son père, qui sont extrêmement conflictuelles, et en même temps, un éveil à la sensualité, à la vie, qui se passe dans la beauté, l'ouverture à l'autre. Donc il y a ces deux pôles comme ça dans lesquels, entre lesquels se joue tout le film, et ça rend tout ça absolument bouleversant. Et ce caractère très direct que vous décriviez tout à l'heure, parfois violent, quasi documentaire, ça le distingue pas mal du cinéma de la nouvelle vague, de ses contemporains, hein, les Truffaut, Godard, Chabrol et compagnie. Et d'ailleurs, on peut peut-être écouter d'ailleurs là-dessus aussi un extrait d'une entrevue qu'il avait accordée en 1992 à Michel Denisot. On n'est pas assez sévère pour la nouvelle vague. Quand on démolit la nouvelle vague, on le fait vraiment trop, moi compris, trop prudemment, parce que c'est bas comme niveau, quand même, très bas. La nouvelle vague, c'est aujourd'hui, ce qui reste, c'est Chabrol, c'est Godard. Non, Godard, moi, je le mets à part, mais il n'a pas... Enfin, il ça vous a bavé. Vous n'avez pas toujours fait, sur Godard, vous n'avez pas toujours été tendre. Oui, bien sûr, puis qu'est-ce que vous voulez, hein, y a quand même une chose, ces gens-là sont plus jeunes que moi. Et je dis les choses qu'en d'habitude on ne dit pas, ils réussissaient, moi j'étais dans le trou. Y a un côté humain qui s'appelle, je crois, l'envie. Hein. C'est, d'ailleurs, l'envie, pas forcément dans le mauvais terme, dans le mauvais sens du mot. On a envie de, et les autres font, on fait pas. On peut pas être indulgent très longtemps, surtout si en plus on trouve que ce qu'ils font, c'est pas terrible, quoi. Et Chabrier, qui était un musicien très doué, qui est loin de faire la carrière qu'il aurait dû faire, disait de certaines musiques, c'est la musique que c'est pas la peine. Et bon, ouais, c'est ça, la nouvelle vague, entre autres, mais presque tout le cinéma, c'est du cinéma que c'est pas la peine, quoi. Encore une fois, impitoyable, Maurice Piala. Ouais, c'est vrai, mais ce qui est fascinant, c'est de voir que cette franchise qu'il a dans ses films, quand il dépaisse un peu ses personnages, il l'a envers lui-même aussi. Ouais. Parce que cette part de jalousie, elle était bel et bien là. Et effectivement, il commence son premier court-métrage professionnel, il le fait en 1960. C'est l'année de sortie d'À bout de souffle de Godard. On sait très bien qu'il était dans l'ombre de ces grands-là. C'est Truffaut qui va coproduire son premier film. Et après ça, Piala règle un peu ses comptes en disant que les cinéastes de la Nouvelle Vague ont été surestimés, qu'ils étaient prétentieux. Mais sans la Nouvelle Vague, peut-être que Piala n'aurait pas réussi à faire son premier film. Donc voilà, il y a probablement un rapport très ambigu à ces cinéastes-là. Lui qui avait déjà dit, je pense, quand je vois un film de Louis Malle à l'écran, j'ai envie de sortir ma mitraille. Mais c'est vrai que le cinéma de Piala dans l'univers du cinéma français fait office d'ovni. Il ressemble à rien de ce qui a été fait par les autres. Si je compare à Godard, par exemple, qui était dans la déconstruction la plus totale, c'est l'inverse. Truffaut, qui était dans le romanesque et l'exaltation des sentiments assez beaux. Là aussi, on est dans, chez Piala, on est dans la cruauté, dans la dureté. On est dans le spectre complètement inverse. Donc c'est très, très difficile de le catégoriser ou de le classer dans le cinéma français. Et c'est un cinéaste qui a été très dur, vous l'avez dit tout à l'heure, avec ses comédiens professionnels et non professionnels, qui allaient tirer le maximum d'eux. Parfois, il allait vraiment à l'ultime limite. Hein, et ça a créé des situations très, très difficiles sur certains tournages. Je pense par exemple à Police avec Sophie Marceau. Avec Sophie Marceau, ça s'est très très mal passé. Ça s'est très très mal passé après en promotion aussi, où Piala l'a traité de tous les noms devant les journalistes de façon assez odieuse, faut dire. Mais c'est vrai qu'il avait une méthode de travail assez particulière. Il ne donnait le scénario qu'au dernier moment à ses acteurs. Il cherchait la spontanéité la plus totale. Il tournait de façon dans des très très très longs plans, quitte à épuiser ses acteurs pour essayer de trouver une forme de vérité, pour défaire les conventions de jeu qui auraient pu être apprises par les professionnels. Il avait des relations comme ça très belliqueuses, comme s'il fallait pousser les comédiens dans leur dernier retranchement pour essayer d'obtenir une substantifique moelle qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et le montage aussi de ces films était particulier. Tout à fait. Alors, ce qui est particulier dans le cinéma de Maurice Pialat, c'est que ce ne sont pas nécessairement des histoires linéaires ou racontées avec un départ d'un point A, une arrivée à un point B. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est plus une juxtaposition de longues scènes, souvent des plans-séquences, qui se répondent l'une à l'autre par des effets de choc émotionnel. Donc on va faire une scène, par exemple, plus douce, et la scène suivante va être extrêmement violente. Et c'est cette espèce de choc entre les deux, par le montage, qui crée cette vérité humaine, cette vérité des sentiments. Mais effectivement, le souci de la rigueur, ou de la linéarité, ou de la cohérence de l'histoire, c'était pas tout à fait développé dans le cinéma de Pialat. Et là aussi, donc, c'est l'émotion qui domine. Absolument, absolument. C'est vraiment... Tous ces films sont des espèces de... On pourrait presque en faire des diagrammes émotionnels, donc avec des très hauts pics et des très très bas pics. Tout ce s'entrechoque comme ça pour créer une réaction. C'est presque du cinéma de stimuli, de pulsion, de provocation. De provocation un petit peu. On va chercher à la fois chez les acteurs, mais aussi chez le spectateur, des réactions extrêmement fortes émotionnelles. Alors on parlait tout à l'heure de son rapport avec les cinéastes contemporains, de la nouvelle vague et tout ça. Bon, on sait qu'en raison de son style justement un peu inclassable, non conventionnel, son attitude assez abrasive, on l'a bien entendu... Il n'y avait pas que des amis dans la profession, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça, c'est apparu vraiment au grand jour lors du Festival de Cannes de 1987, lorsqu'on lui a décerné la Palme d'Or pour son film « Sous le soleil de Satan », qui mettait en vedette encore une fois son acteur fétiche Gérard Depardieu. Alors tout le monde s'attendait à ce moment-là, ou souhaitait que ce soit le film de Wim Wenders, « Les ailes du désir » qui soit couronné. Et alors là, c'est la stupeur. C'est la stupeur et c'est surtout l'effroi dans la salle au point que les gens, l'assemblée de gens du cinéma, du milieu du cinéma, se mettent à le huer. Et on peut revivre justement ce moment assez particulier, un extrait de l'émission Les Belles Heures du 19 mai 1987. Eh bien, la Palme d'Or, à l'unanimité, à Maurice Pialat pour « Sous le soleil de Satan ». Je vais vous demander d'écouter Maurice Pialat parce que moi j'ai toujours été très frappée par l'intelligence et l'amour du cinéma qu'il a, même si son film est très controversé ce soir. Je vous demande de le laisser parler, je vous le dis, je trouve qu'il parle toujours merveilleusement bien de ce qu'il fait et même si on n'est pas d'accord, laissez-lui une chance ce soir, merci. Aujourd'hui vous me donnez l'occasion de parler, je serai très bref, je vous réponds. Je ne vais pas faillir à ma réputation. Je suis surtout content ce soir pour tous les cris et les sifflets que vous m'adressez. Et il aime la provocation. Hein. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Eh bien, et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je vous aide pas non plus. Oh, ça, c'est pas très gentil, ça. Alors, on entendait le commentaire de Milo Petrovski. Non, c'était pas gentil. Non, c'était pas... C'était tout à fait le personnage aussi. Voilà. Et son rapport difficile. Et pas évident, hein, parce qu'on sentait qu'en même temps, il cherchait une certaine reconnaissance. C'est très paradoxal, effectivement. Et je crois qu'il était très, très content d'avoir cette Palme d'Or après une carrière débutée très tardivement, après des films qui, oui, avaient eu un succès public, mais une carrière qui a quand même connu des hauts, des bas. Sous le soleil de Satan arrive plutôt tardivement. Donc, je pense qu'il était content d'être reconnu. Mais en même temps, ça faisait partie de son personnage, de provoquer, de répondre à la colère par la colère, d'avoir une attitude un peu frondeuse, un peu... c'est difficile, c'est un homme paradoxal en fait, un cinéaste paradoxal. Je crois qu'il n'aimait pas l'apparat du monde du cinéma, le luxe qui entourait, qui entoure encore aujourd'hui d'ailleurs, tout cet univers de stars, de tapis rouges. Donc je pense que Cannes, c'était pas nécessairement un univers dans lequel il se sentait à l'aise, mais en même temps, de voir que ses films pouvaient toucher un jury, un public, je crois que c'était ce qu'il recherchait. Sa carrière ne s'est pas terminée là, hein, bien sûr. Ça a été suivi, ça, du Garçu, de Van Gogh, dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui sont des films magnifiques. Tout à fait. Et comme je le disais, je crois que Piala est un des rares à avoir vraiment su filmer un peintre au travail. Parce que d'habitude, bon, des biographies de peintres, on en a vu quelques-unes, et c'est souvent sur l'aspect peut-être plus personnel ou intime de la vie des peintres. Mais Piala, lui, quand il fait Van Gogh, il décide de se consacrer vraiment à l'art du peintre et aux effets que peindre peut avoir sur l'âme humaine, ce qui rend ce film absolument bouleversant. On boucle la boucle, en quelque sorte, en parce quelque qu'il a commencé sorte. Comme peintre, et voilà, donc ça termine avec ça. Aujourd'hui, Hélène Faradji, on ne voit plus beaucoup de films de Maurice Pialat. Il n'y a pas beaucoup de rétrospectives. Ces films sont difficilement trouvables. En tout cas, ici au Québec, c'est le cas. Pour quelles raisons, à votre sens? Peut-être parce que c'est un cinéma trop âpre, un cinéma qui provoque, un cinéma qui se passe dans les cris, la pulsion, les non-dits, un cinéma qui n'est pas confortable. Et comme souvent, ce cinéma-là, c'est un cinéma qu'on peut voir peut-être dans les cinémathèques, mais qui ne circule pas de façon aussi massive qu'un cinéma plus divertissant. Je crois que ça a à voir avec ça. Ouais. Et à votre sens, pour quelles raisons doit-on voir ou revoir les films de Piala aujourd'hui? Je pense qu'il faut les voir parce qu'ils parlent de choses qui sont atemporelles, qui sont universelles, qui peuvent nous toucher où qu'on soit, qui qu'on soit, que ce soit les relations amoureuses, les relations familiales, le deuil, les relations entre humains, tout simplement. Et puis, je pense que quand Sylvie Piala disait qu'il se plaçait du côté de l'homme ordinaire, elle a raison. Même lui, il disait, il avait une très jolie formule, il disait « je parle du point de vue de l'homme qui prend le métro ». Et on est tous des hommes qui prenons le métro. On peut tous se reconnaître dans ces conflits qu'on peut avoir interpersonnels. Et lui, il appuie où ça fait mal. Donc, ce n'est pas tout à fait agréable, mais ça fait du bien. C'est un cinéma qui est très cathartique, qui nous permet d'exorciser beaucoup de malaise qu'on peut avoir. Alors, on disait tout à l'heure, Hélène Faradji, que Maurice Pialat n'avait pas vraiment de référence cinématographique, qu'il ne ressemblait à personne, finalement, sur le plan cinématographique. Mais est-ce qu'il y a des descendants ou est-ce qu'il il est une référence pour d'autres cinéastes? Effectivement, c'est un cinéaste qui est très peu imité, mais beaucoup admiré. On voit beaucoup dans les entrevues de cinéastes, plusieurs grands cités Pialat comme une de leurs inspirations majeures. Lui aimait beaucoup Dreyer, il aimait beaucoup Bresson, un cinéma très dur, très cinéphile, très rigoureux. Mais dans les héritiers de Pialat, qui sont assez difficiles à trouver, j'en vois peut-être deux. Peut-être le cinéma d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle par exemple, me fait un peu penser à du Pialat. Ou alors les frères Dardenne, Le Fils, La Promesse, Le Silence de Lorna sont des films qui peut-être arrivent à s'approcher un peu de cette quête de la vérité du sentiment qui habitait tant le cinéma de Maurice Pialat. Notre invitée, Hélène Faradji, journaliste et critique cinématographique. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radiotradeunioncanada.ca. Ici Franck Dessort, à la prochaine.